Chapitre 26e. La Villa Heureuse. À quelques jours de là, Irène de Valtour vint avec son père à Paris pour y faire un assez long séjour. Raymond eut avec elle un entretien qui pouvait faire suite à ceux qu'elle venait d'avoir avec ses deux frères. « Tu sais, ma chère Irène, lui dit Raymond, que je te veux heureuse, que je t'aime comme une sœur. » « Comme une petite mère, oui, ma chère Raymond. Aussi, tu vois, mon cœur est tout en émoi depuis que tu me parles de mon bonheur. Que te dirais-je de mon frère Robert? Tu le connais. Tu sais que comme médecin, il a acquis une grande réputation de savant et qu'il a conquis parmi les malades pauvres une popularité sincère et touchante. Oui, Raymond. Le nom du docteur Robert est vénéré. Les pauvres gens qui vont à l'hôpital sont heureux quand on leur dit que le docteur Robert s'occupera d'eux. On lui amène des malades de tous les coins de Paris. J'ai vu des mamans à qui il rendait les enfants, vouloir lui embrasser les mains, comme on faisait au sein du temps que la foi remplaçait la science. Cette reconnaissance de ces braves gens a quelque chose de beau, de grand. Or, c'est cet homme simple et doux qui mérite ces hommages par son savoir et par sa bonté que je veux voir ton mari. Mais, ma chère Raymonde, tu sais que depuis longtemps, tu connais bien mon secret. J'aime autant que le peut mon cœur le docteur Robert. Mais lui, qui sait voir le mal chez les pauvres, ne sait pas deviner ce dont je souffre moi. Lui, qui fait la chasse aux plus vilains microbes, n'a même pas l'idée de tourner les yeux de mon côté. Eh bien, nous allons le forcer à abandonner ces chers microbes pour s'occuper du papillon blanc et rose qu'est ma jolie Irène. Tu crois que c'est possible? J'en réponds. Et bientôt, le docteur Robert, dont le cœur est immense, trouvera ce cœur trop petit pour te chérir comme il le voudrait, comme tu le mérites. Comment faire? Tu vas être malade. Malade, oui. Quand elle ne va pas faire quelque chose qui lui déplaît, une femme commence par être malade. Elle fait de même quand on ne veut pas faire ce qu'elle voudrait. C'est juste, me voilà malade. Tu vas demander le docteur Robert, et le reste te regarde. J'ai compris. Toute femme, même la plus pure, la plus franche, la plus simple, comme cette adorable Irène, est une comédienne parfaite. Le lendemain de cet entretien, M. de Valtour, tout alarmé de ce malaise soudain de sa fille, faisait en toute hâte venir le docteur Montreuil. Robert se présenta dans l'après-midi chez le père d'Irène. La malade était étendue sur une chaise longue, dans un ravissant costume d'intérieur, très jeune fille. Elle avait passé autour de ses cheveux blonds un large ruban qui la retenait à peine. Elle était exquise. À sa vue, le docteur fut fortement troublé, ému. « Oh » pensa-t-il. Il n'y a que Riri au monde qui puisse être comparée à cette merveilleuse jeune fille. De son côté, Irène, tout en gardant à demi baissé ses paupières, regardait, comme ça faire toutes les femmes à travers leurs cils rejoints, regardait le docteur. Elle éprouvait le même trouble que lui. Elle se sentait plus émue, puisqu'elle l'aimait. Elle goûtait mieux encore le charme qu'exerçait cet homme, avec cet air grave et triste, cette douceur dans la voix, cette bonté dans les gestes, ce dévouement dans les yeux clairs et francs. Mieux qu'aucun autre, elle comprenait, elle, pourquoi tout le monde aimait le docteur Robert et voulait confier sa vie ou sa douleur à son savoir, à ses mains bienfaisantes. Elle, c'était tout son être, toute son âme qu'elle lui offrait. L'amour de deux êtres est de tout temps inscrit au livre du destin. Lorsque ceux qui doivent s'aimer se rencontrent, il leur semble qu'ils se sont toujours aimés. Et ils ne sont pas surpris de se chérir, pas plus que la nature ne s'étonne du jour quand paraît le soleil. Robert, lui, pensait maintenant « Une fleur germait dans mon cœur. J'ai cru qu'elle s'appelait Riri, mais son vrai nom est Irène. » Dès lors, tous deux, l'une oubliant qu'elle devait être malade, l'autre qu'il venait là comme médecin, se mirent à causer du passé, du présent. Ils allaient aborder l'avenir quand la voix du comte de Valtour, qui venait aux nouvelles, se fit entendre. « Eh bien, mon cher docteur, qu'a donc notre malade ?»« Ah oui, c'est juste. Mademoiselle est malade, en effet. » Robert balbutia quelques explications, et comme il sentait qu'il s'embrouillait sous le regard étonné du père, il s'en tira en concluant « D'ailleurs, je vais vous faire une ordonnance. » Il griffonna quelques lignes pour la composition d'un vin de madère dans lequel entrait du quinquina avec du phosphate de chaux, très agréable à boire, qui ne pouvait faire aucun mal. « Un petit verre avant les repas, » dit-il en prenant congé. « Je reviendrai demain. » En sortant de chez le comte de Valtour, Robert se sentait tout autre. Il venait d'avoir comme la révélation d'Irène et éprouvait cette joie d'un homme qui, ayant passé souvent à côté d'un trésor, le découvre tout à coup. Il gardait dans les oreilles la voix chantante d'Irène, dans les yeux le rayon bleu de son regard. Son cœur battait plus fort. Il avait besoin d'air. Son âme semblait étouffée. Il se fit conduire au bois. Puis, arrivé au bois, il se fit ramener à la maison. Il lui fallait quelqu'un à qui parler de sa malade. Et il alla surprendre Raymonde, qui l'attendait. Au premier coup d'œil, Raymonde vit que son stratagème réussissait admirablement. Robert lui parla longuement de sa visite, et il croyait, le brave garçon, que Raymonde ne se doutait pas de ce qui chantait en son cœur. Le docteur Robert, maintenant, faisait trois parts de sa journée. La plus grande appartenait à ses malades, à son hôpital. La plus jolie était à Irène, et la troisième, il la réservait en cachette pour le nouveau blessé, qu'on avait transporté à la villa d'André Girardet. Le blessé, dont la présence était tenue secrète, était Paulin Broquet, qu'on avait emmené là après la scène dramatique qui s'était déroulée chez Madame Verdier. Il y trouvait pour infirmière charmante Madame Laurent, Riri et Marie, parfois Raymonde et Irène. Aussi, cette jolie villa, autrefois si triste, si vide, maintenant retentissait de rires frais. On entendait la voix ample et grave de Raymonde, celle claire et comme dorée de Riri et d'Irène chantant pour les malades. Le piano sous les doigts de Raymonde, de Madame Laurent, disait les belles œuvres qui consolent et font penser. Madame Montreuil venait parfois avec ses fils ou Raymonde, et le capitaine de Rennebois accourait dès qu'il pouvait s'échapper de Fontainebleau. Et ce groupement autour de cet infirme, de ce blessé, cette réunion de braves cœurs ayant bien souffert de la vie, et par conséquent la comprenant mieux, avait quelque chose de rare, de touchant, de délicieux. Le roman d'André Girardet était simple, cruel, navrant. André Girardet, jeune officier, aimait une jeune femme qui, auprès de lui, trouvait la tendresse et l'affection dont on la privait absolument chez elle. Le mari de cette jeune femme, rude, brutale, égoïste, la rendait très malheureuse. André et elle s'adoraient, et eussent été heureux d'unir enfin leurs existences et de proclamer leur bonheur. Mais le mari ne voulut jamais entendre parler de séparation, de divorce. Sa fortune et ses moyens de vivre n'étaient que la dot de sa femme. Or, un jour que la jeune femme accourait au rendez-vous d'André Girardet, l'accident le plus bête la frappa. Sa voiture heurta un lourd camion chargé de pierres de taille. La jeune femme fut précipitée sous le camion et l'énorme roue écrasa, broya effroyablement ce corps jeune et délicieux et ce cœur si plein d'amour. André Girardet pensa devenir fou. Sous cette roue impitoyable et stupide, son bonheur était détruit. Il demanda à être envoyé aux colonies. Il y chercha la fin de sa souffrance dans des aventures inouïes d'audace et des actes de folle bravoure. La mort ne voulait pas de lui. Mais après de longues années d'absence, quand il revint en France, les douleurs prises dans les marécages, dans la brousse, et une grave blessure à la hanche, lui enlevaient l'usage de ses jambes. Jeune encore, il se traînait comme un vieillard et vivait, seul au monde, dans son deuil inconsolable. Madame Laurent avait été l'amie de la femme aimée, la confidente de cet amour, la complice de ce bonheur secret. C'était elle ensuite qui, en l'absence du malheureux André, allait porter au cimetière les fleurs dont il voulait que toujours fût parée la dernière demeure de l'aimé. C'est ainsi que Madame Laurent se trouvait en relation avec celui qu'elle appelait tante Mélie. Elle eut le tort de ne pas en faire la confidence à son mari, de ne pas lui dire la chose, la vérité. Mais pour la mémoire de la morte aimée, André désirait que personne autre que lui et Madame Laurent ne connût le douloureux secret. Elle crut devoir se taire. Et nous avons vu quelle douloureuse complication amena ce mystère si simple demeurant et si touchant en vérité. Cependant, tout allait s'arranger de ce côté. Raoul s'était chargé de l'affaire de M. Laurent. Il le faisait rentrer en possession de sa fortune, engloutie dans la banque Montreuil. Puis un ingénieur, ami d'André Girardet, avait tenu, en l'absence de M. Laurent, la direction de l'usine, qui marchait maintenant à merveille. M. Laurent allait donc sortir de prison, profitant d'un non-lieu prochain, car M. Billemand, le terrible beau-père, retirait probablement sa plainte, Raoul ayant assuré au maire d'Itonville que les voleurs étaient tout autres que son gendre. Maintenant que M. Laurent connaissait la vérité, il avait redonné sa confiance et son amour à sa femme et lui tardait de venir se joindre à ses amis, qui lui réservaient à la villa une bonne place dans leur tendre amitié. si Paulin Broquet, blessé, se trouvait ici, dans cette villa heureuse, en voie de guérison d'ailleurs, c'était grâce à l'ingénieuse pensée de son lieutenant Gabriel.